Module 5, étude 2, médiumnité. Disons d'abord que la médiumnité tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué, comme celle de voir, d'entendre, de parler. Il n'en est pas une dont l'homme, en vertu de son libre arbitre, ne puisse abuser. Et si Dieu n'avait accordé la parole, par exemple, qu'à ceux qui sont incapables de dire de mauvaises choses, il y aurait plus de muets que de parlants. Dieu a donné à l'homme des facultés, il le laisse libre d'en user, mais il punit toujours celui qui en abuse. Si le pouvoir de communiquer avec les esprits n'était donné qu'aux plus dignes, quel est celui qui oserait y prétendre? Où serait d'ailleurs la limite de la dignité et de l'indignité? La médiumnité est donnée sans distinction, afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société, chez le pauvre comme chez le riche, chez les sages pour les fortifier dans le bien, chez les vicieux pour les corriger. Ces derniers ne sont-ils pas les malades qui ont besoin d'un médecin? Pourquoi Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, le priverait-il du secours qui peut le tirer du bourbier? Les bons esprits lui viennent donc en aide, et leurs conseils qu'il reçoit directement sont de nature à l'impressionner plus vivement que s'il les recevait par des voies détournées. Dieu, dans sa bonté, pour lui épargner la peine d'aller chercher la lumière au loin, la lui met dans les mains. N'est-il pas bien plus coupable de ne pas la regarder? Pourra-t-il s'excuser sur son ignorance quand il aura écrit lui-même, vu de ses yeux, entendu de ses oreilles et prononcé de sa bouche sa propre condamnation? S'il ne profite pas, c'est alors qu'il est puni par la perte ou par la perversion de sa faculté dont les mauvais esprits s'emparent pour l'obséder et le tromper, sans préjudice des afflictions réelles dont Dieu frappe ses serviteurs indignes et les cœurs endurcis par l'orgueil et l'égoïsme. La médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs. C'est simplement une attitude à servir d'instrument plus ou moins souple aux esprits en général. Selon Emmanuel, la médiumnité est la lumière qui allait être versée sur toute chair et promise par le Maître divin au temps du Consolateur en cours sur la terre. Lumière qui brille dans la chair, la médiumnité est un attribut de l'esprit, patrimoine de l'âme immortelle, élément rénovateur de la position morale de la créature terrestre, enrichissant toutes ses valeurs dans le domaine de la vertu et de l'intelligence, chaque fois qu'elle est liée au principe évangélique dans sa trajectoire sur la surface du globe. La médiumnité, poursuit Emmanuel, est un talent du ciel, au service de la rénovation du monde, une lampe que nous devons allumer, alimenter avec l'huile de l'humilité, avec laquelle nous devons nourrir la lumière sublime de l'amour, irradier la charité et la compréhension vers tous ceux qui nous entourent. D'un autre côté, toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est, par cela même, médium. Cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent n'est point un privilège exclusif. Aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, est médium. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiaminique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Le médium est aussi l'être, l'individu qui sert de trait d'union aux esprits pour que ceux-ci puissent se communiquer avec facilité aux hommes, esprit incarné. Par conséquent, sans médium, point de communication tangible, mentale, scriptive, physique, ni de quelque sorte que ce soit. Cependant, il faut remarquer que le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement, mais celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est assisté que par eux. C'est en ce sens seulement que l'excellence des qualités morales est toute puissante sur la médiumnité. La mission médiumnique, malgré ses contretemps et ses luttes douloureuses, est l'une des plus belles occasions de progrès et de rédemption accordées par Dieu à ses enfants infortunés. Ainsi, les grands instructeurs de la spiritualité utilisent les médiums pour la transmission de messages édifiants, enrichissant le monde de nouvelles révélations, de conseils et d'exhortations qui favorisent l'intégration définitive au programme d'émancipation. La médiumnité peut mener à tout cela si la pensée de notre Seigneur plein de fraternité et de sagesse, est la boussole de toutes les réalisations.